les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. La formule, signée Jonathan Swift, a été placée en exergue d'un roman publié pour la première fois en 1980, 11 années après le suicide de son auteur. Le dit roman, La conjuration des imbéciles, ne dut qu'à l'opiniâtreté de la mère de John Kennedy Toole, le dit auteur, d'être finalement publié et de recevoir le prix Pulitzer. Et ce, grâce à l'intervention d'un écrivain et professeur de littérature, Walker Percy, qui accepta de le lire sur l'insistance de la mère et reconnut ses qualités. Dans la préface du roman, ce dernier présente ainsi Ignatius Reilly, le personnage principal du récit. Oliver Hardy délirant, Don Quichotte adipeux, Saint Thomas d'Aquin pervers, tout cela en un seul homme, en violente révolte contre le monde moderne tout entier, allongé dans sa chemise de nuit de flanelle rayée, dans un taudis de Constantinople Street à la Nouvelle-Orléans, et qui, entre de gigantesques accès de flatulence et d'éructation, couvre d'invectives des douzaines de cahiers. Peu après la parution du livre en France, le 9 mars 1982 sur France Culture, Georges Perrou faisait entendre plusieurs extraits de ce singulier récit dans l'émission Un livre, des voix. Georges Perrou vous présente un livre de John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles, traduit de l'américain par Jean-Pierre Carasso. Avec Les puissances des ténèbres de Anthony Burgess, publié chez Acropole, Les sept fous de Hart, paru chez Belfond, je mettrai ce livre en tête de la littérature étrangère pour la saison 81-82. Ce livre fut écrit dans les années 60. John Kennedy Toole n'est pas publié, il se suicide en 69, pensant qu'il est un écrivain raté. En 1980, 20 ans après la mort de l'auteur, arrive à ses fins, le manuscrit est publié, et ce manuscrit, si longtemps refusé, reçoit le prix Pulitzer du roman, le Goncourt américain, en 1981. Écrit dans la meilleure tradition picaresque, dans un argot que le traducteur a eu bien de la peine à rendre, à exprimer, argot artificiel, graphique, qui ne facilite pas la lecture car n'est pas Raymond Queneau qui veut, ce livre néanmoins de Kennedy Toole est un tableau extraordinaire de la Nouvelle-Orléans, avec ses illusions, ses vices, ses règlements de compte, ses farces, le grotesque et le sordide sur fond de gentillesse, car tous ces gens que la vie chahute, essaie la vie, s'amuse, ont des tas de choses à se raconter. Entre 100 épisodes divers, choisissons quelques notations. Voici Ignatius, le héros, le licencié, stupide et assimilé à tout. Éternel angoissé, dont un anneau serre l'estomac. Partagé entre sa mère agressive et rigoureuse et les mœurs corrompues du cabaret, les folles nuits, où il passe ses nuits pour enquêter, pour connaître l'homme, le connaître dans sa généralité, dans sa corruption. Voici la vie des émigrés, les accidents du travail, la mère d'Ignatius qui s'est fait faire un enfant, Ignatius, en sortant du cinéma, et n'y est plus jamais retourné depuis, tandis que son mari devenait un employé d'un dévouement et d'une application sans égale, jusqu'à ce qu'il craque et dépense tout son salaire chez le psychiatre. Voici Mirna Minkoff, étudiante contestataire qui rêve d'organiser des bals masqués où tous les puissants de la Terre, transformés en sodomites grimés, seraient prêts à rencontrer, dans ces bals, les sodomites grimés des pays des empires adverses. En somme, le congrès de Vienne chez Michou. En fait, l'étudiante en question se borne à tenir des congrès de non-violents pour les nécessiteux sexuels. La concurrence des cabarets de striptease est étalé également dans ce livre et ses cabarets mêlent à l'art fastidieux du striptease toutes sortes d'animaux, des tigres, des chimpanzés, des serpents, des habilleurs et jusqu'à des oiseaux, le cacatoès qui déshabille la stripteaseuse qui monte sur l'échelle où le cacatoès est attaché. Tout ce livre est une tempête de grotesque et catastrophique. Toutes les bêtises qui tombent de la bouche des humains, tout ce qu'ils disent sans qu'il y ait un mot de vrai, tout ce qu'on leur fait faire pour gagner leur vie, parce qu'ils font partie de telles sociétés qu'ils veulent briller, ou simplement parce que leurs besoins sont délirants. Une casquette de chasse verte enserrait le sommet du ballon charnu d'une tête. Les oreillettes vertes, pleines de grandes oreilles, de cheveux rebelles aux ciseaux et de fines soies qui croissaient à l'intérieur même des dites oreilles, saillaient de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées. Des lèvres pleines, boudeuses, s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse et, à leur commissure, s'enfonçaient en petits plis pleins de désapprobation et de miettes de pommes de terre chips. À l'ombre de la visière verte, les yeux dédaigneux d'Ignatius Jireilly dardaient leurs regards bleus et jaunes sur les gens qui attendaient comme lui sous la pendule du grand magasin D.H. Holmes, scrutant la foule à la recherche des signes de son mauvais goût vestimentaire. Plusieurs tenues, remarqua Ignatius, étaient assez neuves et assez coûteuses pour être légitimement considérées comme des atteintes au bon goût et à la décence. La possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur, quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme. Ignatius, quant à lui, était confortablement et intelligemment vêtu. La casquette de chasseur le protégeait des rhumes de cerveau. Son volumineux pantalon de tweed était durable et permettait une liberté de mouvement peu ordinaire. Ses plis et replis emprisonnaient des poches d'air chaud et croupi qui mettaient Ignatius à l'aise. Sa chemise de flanelle à carreaux rendait inutile le port d'une veste et le cache-nez protégeait ce que Rayy exposait de peau entre col et oreillette. La tenue était acceptable au regard de tous les critères théologiques et géométriques. Aussi abstrus fût-il et dénotait une riche vie intérieure. Passant d'une hanche sur l'autre à sa manière pondéreuse et éléphantesque, Ignatius, sous le tweed et la flanelle, envoya mourir contre des coutures et des boutons des vagues de chair ondulante. Jacques-Pierre Hamet, vous venez de lire La Conjuration des imbéciles, et ça vous a surpris. Moi, je vous ai demandé de le lire, je crois. Est-ce que vous l'auriez lu si... Non, c'est justement là qu'il y a un petit problème. D'abord, il faut expliquer que ce roman a eu du mal, lui-même, aux États-Unis, à être connu et reconnu. C'est un manuscrit qui a été écrit au début des années 60 par un jeune garçon qui vivait dans le sud des États-Unis. Ce jeune garçon est mort en 1978, je crois. Et sa mère a retrouvé ce manuscrit dans ses papiers et l'a porté dans les grandes maisons d'édition. Évidemment, partout, on a refusé ce manuscrit. Ce qui semble aujourd'hui incroyablement aberrant, puisque à la lecture des trois premières pages, on a déjà l'impression d'être dans un univers complètement personnel et très fort. Enfin bref, le manuscrit est refusé dans les grandes maisons d'édition, et cette pauvre mère a trouvé comme seul refuge des presses universitaires dans une petite université, d'ailleurs des États-Unis, c'est pas une grande, il y a des grandes presses universitaires, mais là elle a trouvé donc une sorte de refuge. Et ce manuscrit a donc été imprimé sans doute à 2000 exemplaires. Et là, il a encore fallu attendre qu'un grand éditeur, surpris par le petit effet de vente de ce manuscrit, le publie. Une fois publié dans une grande maison d'édition, tout simplement, le roman a eu le prix Pulitzer. Oui, c'est un grand roman, incontestablement. C'est un des grands, c'est un roman qui a été écrit dans les années 60. Et s'il doit rester à peu près 5 ou 6 grands romans des années 60, je pense à des livres de John Updike, de Saul Bellow, il faut mettre Tool dans ces 5 manuscrits. Je veux dire, c'est un grand roman, comme on dit, c'est un grand roman de Dostoïevski. Et curieusement, L'histoire du manuscrit, c'est un peu l'histoire de l'auteur. Il y a quelque chose de tout à fait étrange que ce soit la mère qui ait proposé ce manuscrit, car la mère est un des personnages principaux de ce roman, parce qu'il est probable que c'est un roman à peu près autobiographique, enfin dans une certaine mesure. Et la mère, c'est pas celle qui détruit... Enfin, c'est l'obsession, n'est-ce pas, du héros. Oui, parce que le héros est un personnage qui finalement, dont le drame, c'est qu'il ne peut pas accéder à l'âge adulte. Il ne peut pas accéder à l'âge adulte parce qu'il est sous l'influence et sous l'emprise névrotique de sa mère. Et en fait, toute la vision du personnage principal, de ce gros garçon qui se traîne dans une ville du sud un peu moite, c'est que il est assez lucide pour s'apercevoir qu'il n'accède pas à quelque chose, mais sa lucidité ne lui sert à rien. Elle ne lui sert qu'à souffrir plus, puisqu'elle lui montre avec beaucoup d'acuité qu'il est complètement à côté et marginal. Mais l'influence de sa mère et sa propre névrose fait qu'il ne pourra pas s'en sortir. Or, ce qui est troublant dans le livre, c'est que justement le rapport entre la mère et le fils va aboutir à l'enfermement et à l'asile, et que dans la vie réelle, l'auteur s'est suicidé, et que c'est justement la mère qui a porté ce manuscrit comme une sorte de remords et de fardeau le reste de sa vie. Fallait que je t'appelle, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Irène? Mais c'est Ignatius. Qu'est-ce qu'il a encore fait que s'il a, hein? Raconte à Santa. Attends un peu que j'aille voir s'il est toujours dans son bain. Madame Reilly tendit une oreille pleine d'inquiétude au gros bruit d'éclaboussures qui lui parvenait de la salle de bain. Une espèce de ronflement de baleine emplit le corridor. Ça va, y est encore. Autant te dire la vérité, Santa. J'en peux plus. Oh. Ignatius est arrivé à la maison il y a un peu moins d'une heure, et habillé en boucher. Très bien, il a trouvé un nouveau boulot, ce banupier. Oh, mais pas dans une boucherie, ma cocotte. Il est marchand de hot-dog. Quoi? Pas possible. Marchand de hot-dog? Tu veux dire comme ça, dans les rues? Et oui, dans les rues, chérie. Comme un vulgaire clochard. Clochard? Ça, tu l'as dit, ma fille. Et même pire, t'as qu'à lire les rapports de la police dans les journaux de temps en temps. C'est rien que d'un tas de vagabonds. Oh, si c'est pas malheureux, ça, c'est... Il lui faudrait, ce garçon, c'est un bon coup de pied au cul. Oh, t'as pas idée de ce qu'il a fait, Santa. Figure-toi qu'en arrivant, il a voulu me faire deviner le métier qu'il avait trouvé. Alors moi, tu vois, tout de suite, comme ça, j'ai dit, bah, boucher, tu comprends? Ah, bien sûr. Et lui, tu vois, tout de suite, insolent, comme ça, devine encore qui me fait. On peut pas dire que tu brûles. Alors j'arrête pas, moi, de deviner, pendant 5 bonnes minutes, jusqu'à ce que je vois plus de métier qu'on porte ces espèces d'uniformes, enfin des uniformes blancs. Et puis alors qu'il me fait comme ça, ben tu te trompes tous les coups, je m'ai dégoté un travail comme vendeur de saucisses. Eh ben je me suis évanouie, tu vois, Santa, là, comme ça, directement sur l'inno de ma cuisine. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, par terre, la tête cassée dans ma cuisine. C'est pas pour ça qu'il s'en ferait, lui, faut pas croire. Non, ben ça, tu peux y aller. Bon, voyons. Il ferait beau voir. C'est pas pour sa pauvre mère qu'il s'en fait. Et avec l'éducation qu'il a, les diplômes, attention. Aller vendre des saucisses dans la rue et en plein jour. Qu'est-ce qu'il a dit, ma fille? Mais rien du tout que j'y ai dit, rien de rien. Autant que j'ouvre la bouche, il avait déjà cavalé à la salle de bain et puis il est toujours enfermé alors que je te cause, en train d'éclabousser partout, ça tu peux être sûr. T'en quitte pas une minute, Irène, hein. Figure-toi que j'ai une de mes petites filles avec moi pour la journée. Ben, tu t'es écarté de ce réchaud, bon sang, Germaine! Va jouer sur le trottoir avant que je t'en retourne une. Oh, bon Dieu. Ah, sont chouettes, les gosses. Mais il y a des fois, je sais pas ce que... Germaine, fiche-moi le camp et va jouer avec ton vélo ou tu vas avoir une perte de claque. Quitte pas, hein, Irène. Madame Reilly entendit Santa déposer le combiné, puis une enfant poussa un hurlement, une porte claqua et Santa fut de retour au bout du fil. Seigneur. Irène, cette petite écoute jamais personne, je t'assure. J'ai été lui préparer des spaghettis et du ragoût et elle arrête pas de tripoter dans ma casserole. Oh, je voudrais que la sœur lui donne une bonne raclée de temps en temps à l'école. Tu connais Angelo? Eh bien, j'aurais voulu que tu voyes comment qu'elle le dérouillait, les sœurs, quand il était petit. Il y en a même une un jour qui l'avait jetée contre le tableau noir, dis donc. C'est pour ça qu'Angelo est un homme si gentil, si bien élevé aujourd'hui. Ouais, les sœurs, elles adoraient Ignatius. Alors, c'était un si mignon petit garçon, tu peux pas savoir. Il rapportait toujours tout plein d'images pieuses qu'il avait gagnées, parce qu'il connaissait bien son catéchisme. Ouais, ben, elles auraient mieux fait de le dérouiller un peu, les sœurs. Oh, je t'assure, quand je le voyais rentrer avec toutes ces petites images pieuses, si on m'avait dit qu'un jour il vendrait des saucisses dans la rue et en plein jour... Et dis-moi, ma Colombe, comment ça va pour Angelo? Rita, sa femme, vient de m'appeler pour dire qu'il va finir avec une bonne pneumonie s'il reste encore longtemps enfermé dans ses toilettes. Je te le dis, hein, comme je le vois, Irène, Angelo est pâle comme un fantôme. Ah, les flics le traitent vraiment pas correctement, ce garçon. Il adore son métier. Quand il a eu son diplôme de l'Académie de la police, je t'assure, il était aussi heureux et fier que s'il avait été l'ami tout le Caltex. Ce qu'il pouvait être fier. Ouais, il a franchement pas bonne mine, Angelo. Il a attrapé une mauvaise toux aussi, ce garçon. Enfin, bah, peut-être qu'il se sentira mieux après qu'il aura lu le livre qu'Ignatius m'a donné pour que j'y donne. Ignatius dit que c'est inspirant comme littérature. Ouais. Ben moi, je me méfierais des inspirations littéraires d'Ignatius, mais enfin, ça doit être plein d'histoires de fesses. Ah, tu te rends compte? Et si quelqu'un le rencontrait avec une voiture à bras? T'as pas avoir honte de rien, ma belle. T'y es pour rien si t'as un sale gosse sur les bras. Ce qu'il faut, c'est un homme à la maison, ma grande, pour faire marcher droit ton garçon. Je m'en vais trouver cet homme qui a demandé après toi. Il était gentil, ce vieux. Mais j'ai pas besoin d'un gentil vieux, moi, enfin. Tout ce que je demande, c'est que mon fils, il soit gentil. T'occupe, laisse faire Santa. Je m'en vais t'arranger tout ça, moi. L'action se passe dans le sud avant tout. Il y a une peinture du sud, il y a une peinture de... Comment dirais-je, peut-on dire des mentalités du sud? Enfin, tous ces personnages qui s'agitent, qui fourmillent, parce qu'on peut parler... On a parlé d'ailleurs de Rabelais, de Swift, des grands romans de peinture sociale qui s'expriment à travers des personnages extrêmement colorés, truculents, vifs, pittoresques, n'est-ce pas? C'est le cas, là, en l'occurrence. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que le personnage, en peignant une ville entière, ne s'attache pratiquement jamais à peindre les notables. Il y en a très peu. Il y a la famille qui dirige une usine de textile, mais c'est tout. D'ailleurs, la peinture est d'une férocité... incroyable. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il ne s'est attaché à peindre une ville entière qu'à partir des gens qui sont un peu les laissés pour compte, les marginaux, les maudits. Il y a le balayeur d'une boîte de striptease qui est vraiment l'humilié total au sens de Dostoïevski. Il y a une malheureuse stripteaseuse qui essaie toujours et qui rêve de faire un grand numéro de striptease et qui, on l'appelle Arlette aux horreurs, au lieu de Scarlett O'Hara, c'est-à-dire tout le mépris de la ville et des notables pour ce genre de personnage. Il y a le flic, mais là aussi, c'est le flic idiot, c'est le flic qui est méprisé par tout le commissariat. Et à chaque fois, Toul a le génie de trouver ces personnages qui sont aussi les personnages dans les burlesques américains, c'est-à-dire les gens... qui échouent, les sortes d'émigrants de l'intérieur des États-Unis qui ne sont pas adaptés à la société et qui sont vraiment trompés par l'ensemble et manipulés, exploités, c'est vraiment pitoyable. Il a le génie du personnage pitoyable. Mais vous avez dit burlesque, parce que ces personnages sont pitoyables, certes leur situation est pitoyable, mais ils sont comiques, je veux dire, à la lecture, il y a une envie de rire rabelaisienne, je répète, qui nous prend. Bien sûr, la pitié s'installe profondément et la critique. Mais, par exemple, ce flic tout à fait minable qui veut être rejeté par ses supérieurs, on l'envoie surveiller quoi ? Des toilettes, parce qu'il y a des courants d'air, n'est-ce pas ? Il est complètement à faune, il va avoir une pneumonie, ils espèrent le liquider comme ça. Il reste des mois à surveiller des toilettes où il pourrait se passer des choses contraires à la loi ou à la décence même. Mais il inspire la pitié, mais il fait rire. Tous les personnages sont profondément amusants, n'est peut-être pas suffisant, c'est comique, vraiment. Oui, mais ça, c'est la grande tradition du burlesque américain, qui est un burlesque triste. Il y a une scène très jolie au cours de laquelle le héros, Ignatius, vend des hot-dogs. Il a une petite charrette où il vend des hot-dogs, et sa charrette se renverse, évidemment, sur les rails du tramway. Le tramway arrive. Or ça, toute la scène, ce sont des plans qu'on trouve dans Buster Keaton. Là, de ce côté-là, c'est le grand burlesque américain, exploité jusqu'au bout, avec un sens, il faut dire, dans les dialogues. Les dialogues de ce roman sont absolument remarquables. Ce sont aussi les grands dialogues il y a du Woody Allen là-dedans. Il y a une réussite parfaite à la fois dans la pudeur et dans le grotesque. Et puis il y a un contrepoint, parce que Ignatius, ce personnage principal qui n'arrive pas à vivre en fait, à s'insérer ni dans la société, ni dans l'affectivité de son temps, il est en correspondance avec Myrna, sa fiancée, je ne sais pas si... Oui, alors il a une petite amie qui s'appelle Myrna et qui vient des États du Nord et qui a la sensibilité du Nord. Et elle se rend très bien compte que son fiancé est un pauvre, devient un pauvre cinglé, il n'y a pas d'autre mot. Et elle lui envoie des lettres dans lesquelles elle lui dit « Mais il faut absolument d'abord que tu sortes du Sud et que tu viennes dans le Nord où les psychanalystes, etc., et moi-même, on te sauvera. » Et alors c'est tout le drame, c'est une sorte d'allégorie fabuleuse sur toutes les névroses et tous les drames du Sud des États-Unis qui ont reçu la défaite dans la guerre de sécession, comme une sorte de traumatisme collectif dont ils ne sont pas sortis. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps William Styron. Il m'a dit qu'il avait quitté les États du Sud dans les années 60, donc à l'époque où a été écrit ce livre, parce que le Nord était en train d'industrialiser à outrance ce pays-là, qui n'est pas fait pour ça. Et le vieux fond religieux, mystique, du Sud, n'accepte pas la société moderne. Or, on retrouve exactement ce même dilemme et ce même problème entre Ignatius, le personnage du roman, et sa petite amie. Et la fin du livre est assez jolie, elle est très happy end, puisque Ignatius, d'un seul coup, qui se trouve dans un asile, est rejoint par sa petite amie, qui veut l'emmener dans les États du Nord. Mais on sait que l'auteur, lui, est resté dans le Sud et qu'il en est mort. Il s'accroupit inconfortablement sur les marches d'un escalier latéral de la cathédrale. Son récent gain de poids et la dilatation due à la paresse de son anneau pylorique lui rendaient toute position autre que debout et couché assez difficile. Retirant ses semi-bottillons, il entreprit d'examiner ses très grands pieds. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible! Mais que vois-je? Je me décide à sortir pour venir visiter cette exposition absolument dégueulasse. Et quel est le premier objet que je vois exposé? C'est le fantôme de Lafitte le pirate. Non, c'est Fatty Arbuckle. Ou serait-ce la grosse Marie du port? Oh, mais dites-le-moi, mais j'ai hâte de savoir, je brûle, j'enrage! Levant les yeux, Ignatius aperçut le jeune homme qui avait acheté le chapeau de sa mère aux folles nuits. Laissez-moi tranquille, espèce de freluquet. Allez-vous-en! Où est le chapeau de ma mère? Bon, ça, je suis au regret de vous apprendre qu'il a été détruit au cours d'une réunion excessivement mouvementée. Tout le monde l'adorait. Je n'en doute point. Je préfère ne vous point demander comment il a été profané. De toute manière, je ne m'en souviendrai pas. Trop de martini gin pour moi. Oh, mon Dieu! Au nom du ciel, mais que fabriquez-vous dans cette tenue étrange? Ben, on dirait Charlotton en travelot jouant la reine des gitanes. À quoi êtes-vous censé ressembler? Dites-le-moi. Mais dites-le-moi, je vous en prie, je tiens vraiment à le savoir. Allez, du vent, petit gommeux. Ignatius rota une éruption gazeuse qui se répercuta le long des murs de la cathédrale. L'association artistique tourna ses chapeaux dans la direction de cette rumeur volcanique comme une seule femme. Ignatius foudroyait du regard le jeune homme, sa veste de velours fauve, son chandail de cachemire parme et la boucle de cheveux blonds qui retombait sur le front de ce visage étroit et luisant. « Écartez-vous de moi avant que je ne vous abatte !»« Oh, bonté divine, mais vous êtes donc vraiment fou, c'est bien ça !»« Quelle audace !» Il tira son sabre et se mit à en frapper les mollets du jeune homme. Ce dernier gloussa en dansant de-ci de-là devant Ignatius pour éviter les coups qu'il lui portait. Rapide et souple, ses mouvements faisaient de lui une cible difficile. Pour finir, il traversa l'impasse, toujours dansant, et adressa un signe de la main ironique à son adversaire. Ce dernier ramassa l'un de ses éléphantesques semi-bottillons et le lança contre la silhouette pirouettante. Ah ! Clapit le jeune homme d'une voix aiguë. Puis, rattrapant au vol le soulier, il le relança contre Ignatius, qu'il atteignit en pleine figure. « Oh mon Dieu, je suis défiguré !»« Bon, la ferme !»« Je puis sans mal vous faire arrêter et jeter en prison pour cette agression caractérisée !»« Si j'étais vous, mon gros loup, je n'irais pas me frotter à la police !» Mais quelle sera la réaction des flics devant votre tenue, hein? Vous y avez songé? Ma jolie petite fée? Me faire arrêter moi? Moi? Moi? Et pour agression? Oh, soyons réalistes. Je suis déjà surpris que la police vous laisse draguer dans cet ensemble de diseuses de bonne aventure. Le jeune homme s'interrompit pour ouvrir son briquet avec un clic sonore, allumer une salème, puis refermer le briquet avec le même clic. « Sans parler de vos pieds nus et de ce sabre joujou, vous plaisantez. »« La police sera toute prête à croire ce que je lui dirai. »« Ben voyons. Oh, assez, je vous en prie. Revenez à la réalité. »« On vous enfermera peut-être pour plusieurs années. »« Oh, mais vous divaguez réellement. »« Oui, je divague. De rester ici à écouter vos insanités. »« Non, mais regardez-moi ça. Oh, cette expression que vous avez eue. Oh, bête Davis, souffrant d'une indigestion. »« Ne m'adressez pas la parole, espèce de dégénéré. Allez donc jouer avec vos petits amis. Je suis bien certain que le quartier en pullule. » Et comment va votre chère maman? Je ne veux pas que son nom béni soit prononcé par vos lèvres décadentes. Ma foi, c'est trop tard. Mais répondez donc à ma question. Comment va-t-elle? Elle est si gentille et charmante, cette femme tellement nature. Oh, vous avez beaucoup de chance. Je ne vais certainement pas discuter de son cas avec vous. Oh, mais quel mauvais coucheur! Enfin. Si c'est ce que vous voulez, tant pis. Soyez désagréable et mal embouché autant qu'il vous plaira. J'espère seulement qu'elle ignore que vous faites le trottoir vêtue comme une espèce de Jeanne d'Arc hongroise. Cette boucle d'oreille, ce qu'elle peut être magyar, mon Dieu. Si vous voulez un costume comme celui-ci, allez vous en acheter un et fichez-moi la paix. Oh, mais je sais bien qu'une chose pareille n'est à vendre nulle part. Non, mais quel déguisement pour une fête. Oh, ils en seraient tous malades. M'est avis que les fêtes que vous fréquentez doivent être de véritables visions d'apocalypse. Je savais que notre société allait aboutir à cela. D'ici quelques années, vos petits amis et vous aurez probablement pris en main les destinées de notre pays. Oh, mais nous y comptons bien. Nous avons des relations très très haut placées, je ne vous dis que ça. Oh, je n'en doute pas. Roswitha aurait pu le prévoir sans mal. Roski? Qui diable est cela? Une nonne du Moyen-Âge, véritable Sibylle. Elle a guidé ma vie. Ah non, mais vous êtes vraiment impayable, fantastique! Et vous avez encore pris du poids. J'aurais juré que c'était impossible. Mais quand vous arrêterez-vous? Et vous arrêterez-vous jamais? Mais votre obésité a quelque chose de si délicieusement rétro. Et même, disons, kitsch. Ignatius se leva et porta un coup d'estoc dans la poitrine du jeune homme avec son sabre de plastique. Tiens, prends ça, larve minable. Oh là! Oh, mais vous allez déchirer mon chandail, espèce de gros fou! Vers le fond de l'impasse, les dames de l'association artistique décrochaient leurs œuvres de la grille et pliaient leurs chaises longues d'aluminium comme des arabes prêts à lever le camp. Leur exposition annuelle avait été totalement gâchée. Je suis le glaive vengeur du bon goût et de la décence. Tandis qu'il tâchait de tailler en pièces le chandail avec son arme brisée, les dames s'enfuyaient de l'impasse, les traînardes récupéraient à la hâte qui son magnolia, qui son camélia en proie à une véritable panique. Qu'est-ce qui m'a pris de m'arrêter pour vous parler, espèce de fou furieux ? Catin ! Oh, ah, mais c'est affreux ! Il tenta de s'enfuir, mais Ignatius avait saisi son bras et le retenait fermement de la main qui ne brandissait pas le sabre. Glissant un doigt dans l'anneau qu'Ignatius portait à l'oreille, le jeune homme tira violemment vers le bas en ordonnant dans un souffle « Lâchez ce sabre, Seigneur Jésus, je crois que j'ai l'oreille brisée !» Le jeune homme lâcha la boucle d'oreille. « Trop tard, sagouin ! Vous allez pourrir dans une prison fédérale le reste de vos jours misérables ! Regardez ce que vous avez fait de mon chandail, sale monstre dégoûtant ! Seuls les plus éminents rebuts d'humanité, la lie de la lie de la terre, accepteraient de porter une telle abomination à faire avorter une vache aveugle ! Si vous n'avez point de vergogne, manifestez du moins quelques goûts dans le choix de votre vêture ! Espèce de grosse bête ! Espèce de gros ! Plusieurs années dans un service d'otorhinolaryngologie seront probablement nécessaires pour remettre cela d'aplomb. Il y a donc une dimension mystique, vous avez aussi employé ce mot-là dans ce livre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une difficulté de vivre la vie matérielle ? Est-ce que c'est ça, une dimension mystique ? Oui, il faut un petit peu replacer historiquement le livre pour bien saisir son pathétique. C'est l'époque des années 60 où même... L'ensemble de la société américaine éprouve un incroyable malaise. Par exemple, c'est la grande époque où tout le monde lit Salinger. Or, Salinger ne rêve que d'une chose, c'est une sorte d'état mystique zen et de fusion avec les éléments cosmiques. Dans le sud des États-Unis, c'est la grande époque de Flannery O'Connor, qui est grande romancière catholique du sud des États-Unis, qui ne montre dans ses livres que des infirmes, des fous et des idiots. Et ce sont ceux-là qui ont raison contre une société qui s'enfonce dans le matérialisme. Ils ont ressenti, en fait, l'entrée dans la société d'abondance et dans la société de consommation comme une sorte de perte d'âme. Ils perdent leur âme. Et on voit bien, d'ailleurs, dans Ignatius, que quand il va travailler dans une usine de textile, il mène une sorte de combat pour sauver son âme, mais un combat qui est perdu d'avance. À ce propos, je crois que la fin du livre nous donne une clé. Lorsque la voisine parle de l'enterrement du chien, ce qui a causé un des premiers troubles chez Ignatius et un des premiers troubles dans la rue, dans le quartier, et bientôt dans la ville d'ailleurs. Oui, il faut dire que c'est un roman extrêmement bien construit et presque fait comme un roman policier, c'est-à-dire qu'à la fin, on a la clé de l'énigme. La clé de l'énigme, c'est évidemment... que ce personnage qui est profondément mystique et même catholique au sens vraiment théologique strict a demandé un jour à un prêtre de sorte de baptême du chien après sa mort pour qu'il soit enterré chrétiennement. Et le refus a été sans doute le départ du traumatisme, c'est-à-dire que le refus de la grâce sur un animal a fait qu'à ce moment-là, par un curieux renversement, c'est la société entière qui se trouve hors de la grâce et qui est mise en accusation. Et en fait, c'est un procès, d'ailleurs avec tout ce que comporte de trivial, de grotesque et d'amusant un procès, mais c'est un procès terrifiant contre une société qui ne considère pas le regard d'un chien. En gros, il y a de ça chez Ignatius. Faut que je vous dise quelque chose, faut être juste. Ignatius, il a pas été mal tant que le gros chien là qu'il avait est pas mort. Il avait un gros chien qui arrêtait pas d'aboyer sous ma fenêtre. C'est là que j'ai eu mes premiers ennuis nerveux. Puis voilà type que le chien il meurt. Bon, que je me dis, je vais peut-être avoir un peu de paix, moi maintenant. Hein. Ah bah fouch. Ignatius, il avait allongé son chien dans le salon à sa maman avec des fleurs dans les pattes. Ça a été là que sa maman et lui, ils ont commencé à se disputer que c'en était jamais fini. Si vous voulez savoir, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à boire. Donc, voilà Ignatius, qui s'en va trouver monsieur le curé, et qui demande comme ça de venir chez lui dire trois mots sur son chien. Des espèces de, comme qui dirait, funérailles pour le chien, qui disait Ignatius. Vous savez, monsieur le curé, il dit non, bien sûr. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'Ignatius a plus mis les pieds à l'église. Et donc, le gros Ignatius, il a organisé ses funérailles tout seul. Un gros lycéen devrait quand même avoir plus de jugeote. Mais non, vous voyez cette croix. Monsieur Lévy regarda désespérément la croix celtique qui achevait de pourrir dans le minuscule jardin désolé. C'est là que ça s'est passé. Il avait bien fait venir 2 douzaines de gamins qui étaient debout dans cette courette autour de lui à regarder. Ignatius avait mis une grande cape, comme celle à Superman. Il y avait des bougies d'allumées un peu partout. Et pendant tout le temps que ça a duré, sa maman a pas cessé de brailler, qu'il fallait jeter le chien à la poubelle et rentrer à la maison tout de suite. Bon, ben c'est le moment vers lequel tout a commencé à aller mal. Si d'abord Ignatius est allé à l'université, qu'il y est presque resté 10 ans. Sa maman s'est ruinée pour lui. Elle a même dû vendre le piano qu'ils avaient. Bon, ça, moi, c'était plutôt bien. Mais j'aurais voulu que vous voyiez la fille qu'il a ramassée à la faculté. Moi, je me disais, ma foi, tant mieux. Ignatius, maintenant, il va se marier, il partira. Ah, je me mettais le doigt dans l'œil. Et comment? Tout ce qu'ils faisaient tous les deux, c'était de traîner dans sa chambre à lui toute la journée sans en sortir. On aurait dit que tous les soirs, c'était la foire avec ces deux-là. Ah, les choses que j'ai entendues par ma fenêtre. Et baisse ta jupe, et va tendre mon lit, et bat les pattes. Je suis vierge, moi, c'était épouvantable. J'ai survécu qu'à l'aspirine. 24 heures sur 24. Et puis, cette fille est partie. Remarquez, je la comprends, hein. Rien que pour être restée tant de temps avec lui, faut qu'elle aille pas été normale, moi, je dis. C'était Un livre des voix par Georges Perrou, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mars 1982. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.